Les vaccins basés sur la génétique, le crime pharmaceutique du siècle. Le 15 mars 2023, l'association Médecins et scientifiques pour la santé, la liberté et la démocratie a organisé une conférence de presse sur ce sujet. Des voix spécialisées connues comme le professeur Sukharit Bagdi, le pathologiste Arne Burkhardt et bien d'autres étaient présentes. Cla TV publie ultérieurement des extraits de la conférence et des parties du communiqué de presse de cette journée importante. Dans de brèves déclarations, les intervenants spécialisés ont expliqué l'ampleur considérable des dommages causés par la vaccination Covid. Ils ont également évoqué les conséquences et les développements qui en découlent, notamment en ce qui concerne la future politique de santé mondiale. La protéine Spike est une arme biologique. Ulrike Kemmerer, biologiste en biologie humaine et cellulaire, ainsi qu'immunologiste, a clairement montré que la protéine Spike est une arme biologique avec un énorme potentiel de dommages. Il apparaît de plus en plus clairement qu'il ne s'agit pas d'un projet de politique de santé, mais d'un projet militaire. Madame Kemmerer a dit entre autres que les vaccins font exactement ce qu'ils sont censés faire. Le corps est forcé de fabriquer la dangereuse protéine Spike qui se répand partout dans le corps et fait alors plus de dégâts que ne le ferait l'infection virale en tant que telle dans les cas habituels, surtout justement chez les personnes en bonne santé et non atteintes auparavant. La protéine Spike, c'est donc cette épine qui se trouve à la surface des virus. Tout le monde a déjà vu ces images. Normalement, elle n'est produite dans le corps que lorsque les virus attaquent les cellules et les forcent à produire leurs propres composants viraux. L'astuce maintenant, surtout de ces composants ARN lipides, a été de faire entrer l'information génétique pour la protéine Spike dans les cellules. L'ARN normal ne serait pas introduit dans les cellules. Cela signifie que la protéine Spike a été modifiée afin qu'elle possède désormais des propriétés qu'une protéine Spike naturelle n'aurait pas. C'est publié, la source est indiquée sur la fiche, entre autres par Madame Segreto, de manière très détaillée. Les points les plus importants sont les suivants. Elle a été optimisée pour s'arrimer au récepteur humain ACE2, qui est un récepteur présent sur de très nombreuses cellules, mais également au récepteur neuropiline. Ainsi, cette protéine de pointe peut pénétrer dans les cellules nerveuses et les endommager. Le récepteur ACE2 est, j'ai trouvé hier encore une publication, cela fait penser à M. Lauterbach, qui est en fait, je n'ai même pas pu l'imprimer, du 5 octobre 2020. Et il est déjà explicite, très bien décrit dans PubMed, que la protéine Spike du SARS-CoV-2 endommage les cellules souches de l'hématopoïèse. Cela signifie qu'on savait déjà, avant que la substance ne soit injectée chez l'homme, que dans les cellules humaines, cette protéine Spike, et ce, indépendamment du fait qu'elle soit transmise par le virus ou qu'elle arrive dans les cellules sous forme de protéines séparées, perturbe massivement les cellules souches hématopoïétiques, à partir desquelles se développe notre système immunitaire, à partir desquelles se forment également nos cellules sanguines. Et ils ont même trouvé que les monocytes, c'est-à-dire un élément important de notre système immunitaire cellulaire, sont également amenés à mourir sous l'effet de la protéine Spike. Cela explique maintenant très bien pourquoi nous voyons beaucoup de dérégulation immunologique, aussi bien chez les patients où ce virus complet du SARS-CoV-2 parvient fatalement à pénétrer dans le corps via les barrières immunitaires des muqueuses, et peut effectivement y causer ces conséquences difficiles. Mais ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est cette grande quantité de protéines Spike que le corps doit former en raison de l'injection d'ARN, qui apporte cette propriété dangereuse dans le corps et qui perturbe ainsi réellement et durablement le système immunitaire. On voit les premières réactions. Les gens qui ont eu une, deux ou plusieurs injections de ce type sont plus sensibles aux infections, ont un deuxième Covid, un troisième Covid, un quatrième Covid, ont d'autres maladies et on entend très souvent parler de zona. Le zona est un signe classique d'un système immunitaire affaibli. C'est un signe tout à fait typique que ces injections perturbent effectivement le système immunitaire de manière durable. Et dans la plupart des cas, nous ne voyons pas encore de problèmes mortels et graves. Ça s'accumule de plus en plus à chaque injection. Les faits sont sur la table ou sous le microscope. a illustré le professeur Arne Burkhardt, pathologiste. Il a notamment déclaré « Oui, merci beaucoup. Voici tout d'abord notre étude. Comme je l'ai dit, nous avons maintenant pu examiner 75 cas d'autopsie après coup. Nous avons plus de cas, mais il s'agit de cas que nous avons pour ainsi dire en main, c'est-à-dire que nous avons suffisamment évalué pour pouvoir constater quelques faits fiables à ce sujet. 75 personnes décédées, soit 40 hommes et 35 femmes, âgés de 21,2 à 94,7 ans. Décès entre un jour et six mois après la dernière injection, et ce, avec les prétendus vaccins habituels chez nous, surtout Pfizer, BioNTech, donc Comirnaty. En outre, nous avons de plus en plus de préparations de biopsies de patients vivants. Là aussi, je montrerai quelques exemples, notamment des biopsies de peau avec des modifications correspondantes. Image suivante. Nous avons donc examiné ces 75 personnes décédées et, en passant, 4 d'entre elles avaient eu une véritable infection au Covid-19 avant ou après la vaccination. Pour les autres, nous avons pu l'exclure. 40 autopsies par des pathologistes, 35 par des médecins légistes, une fois par les deux, c'est-à-dire des pathologistes et des médecins légistes, ce qui est certainement très justifié. Et le premier diagnostic que nous avons obtenu était dans 91% des cas la mort naturelle ou la mort de cause inconnue. Et de plus en plus souvent ces derniers temps, on entend dire qu'il pourrait y avoir un lien avec la vaccination. Mais ces 91% sont tout de même très impressionnants si on les compare aux chiffres que nous venons de trouver sur la base de notre enquête de suivi. Image suivante. C'est maintenant l'examen ultérieur à Röttlingen, un deuxième avis, comme on dit dans le jargon. Et là, il est presque certain ou très vraisemblable que les circonstances du décès sont dues d'une manière ou d'une autre à la vaccination. Et ce, pour 77%. Dans les présentations précédentes, nous avons parlé de 80%. Maintenant, nous avons compilé les chiffres exacts pour ce groupe. Mais cela reste toujours possible, incertain dans 14 cas, exclu en fait dans un seul cas, et deux cas ne sont pas exploitables. Image suivante. Les circonstances du décès sont également importantes. J'ai rassemblé ici 19 cas. 15 d'entre eux relèvent de la rubrique des morts subites d'adultes, c'est-à-dire du syndrome de mort subite de l'adulte, de cause inexpliquée. Et là, il est important de noter qu'une grande partie de nos cas sont morts à la maison, dans la rue, en voiture ou au travail, et que très peu sont morts après une longue hospitalisation ou une thérapie, de sorte que les modifications que nous voyons sur les tissus et les cellules sont en fait essentiellement dues à la vaccination ou justement pas à des mesures thérapeutiques. En fait, le premier résultat a été de constater que cette protéine spike dont il est question ici ne reste pas seulement à l'endroit de l'injection, comme on l'a toujours prétendu, mais qu'elle se répand effectivement dans tout le corps, via les vaisseaux sanguins. Et je tiens à souligner une fois de plus que les faits sont sur la table. Dans mon cas, ils sont sous le microscope et ils peuvent être regardés par quiconque s'y intéresse et pourront encore l'être dans des centaines d'années. C'est un document d'époque d'une valeur éternelle. Détourner le regard, c'est se rendre complice. C'est maintenant à la justice de jouer. Ceux qui ont commis ces crimes contre l'humanité doivent rendre des comptes. C'est ma conviction la plus profonde et c'est pour cela que je fais tout cet effort. Même si je pourrais en fait me prélasser au soleil au bord de la mer. Merci beaucoup. Répétition du scandale de la thalidomide ? Le docteur Christian Fiala de Vienne a expliqué le mécanisme d'action entièrement nouveau de la vaccination par ARN. Avec la protéine Spike, les propres cellules saines du corps sont marquées comme étrangères. Par conséquent, le système immunitaire détruit ses propres cellules saines parce qu'il les considère comme des envahisseurs. Il a légitimement soulevé la question de savoir s'il ne s'agissait pas d'une répétition du scandale de la thalidomide compte tenu de la destruction auto-immune intentionnelle. Lors du scandale de la thalidomide, de graves malformations ont été observées chez les nouveau-nés en raison de la prise du médicament sédatif thalidomide au début de la grossesse. Ainsi, à la suite de la vaccination Covid, on a constaté chez les femmes une augmentation des troubles menstruels, une diminution de la fertilité et des malformations chez les fœtus. Chez les hommes, une diminution considérable de la qualité des spermatozoïdes a été constatée. Selon le Dr Fiala, il ne s'agit là que d'une sélection des dommages causés par la vaccination Covid. Le bénéfice n'est pas nul, mais négatif. Le professeur Bagdi en est convaincu. Il a une nouvelle fois attiré l'attention sur le talon d'Achille de cette affaire de vaccination. Le microbiologiste avait déjà prédit il y a 3 ans que les dangers de la vaccination étaient un cauchemar. Cette prédiction reposait sur des principes de base de l'immunologie tels qu'on peut les lire dans n'importe quel manuel. Tous les vaccins ARNm, et pas seulement les vaccins Covid, comportent 2 dangers mortels. Le premier est le matériel d'enrobage très dangereux. Ces nanoparticules lipidiques protègent l'ARNm et permettent son absorption par les cellules. Ce n'est possible que par le biais de graisses artificielles qui, contrairement aux lipides naturels, sont chargées positivement et provoquent ainsi un dysfonctionnement. En effet, toutes les cellules de l'organisme sont maintenues au moyen de lipides chargés négativement. Avant 2020, l'utilisation de ces lipides chargés positivement n'était même pas autorisée. Dans ce contexte, le docteur Ronald Bakel a également abordé les déclarations trompeuses du service sanitaire de l'armée allemande sur son site internet. Sous la rubrique « Vaccins et devoirs de tolérance », on trouve la formulation suivante. Celui qui choisit sans hésiter d'entrer dans un restaurant peut tout aussi bien faire confiance aux ingrédients et aux adjuvants contenus dans le vaccin ARNm. Le sel, la graisse, l'eau et le sucre se retrouvent en effet dans les deux. Au vu des explications du professeur Bagdi, on ne peut que qualifier de telles déclarations d'irresponsables. Dans le cadre de l'autorisation d'urgence du premier vaccin Covid de BioNTech, le fabricant a certes déclaré avoir effectué des tests de sécurité. Mais le fait est que les fabricants de vaccins n'ont jamais réalisé d'études sur les animaux. Le deuxième danger provient des gènes étrangers au corps, qui peuvent passer en nombre massif dans la circulation sanguine et atteindre tous les organes. En effet, toute cellule qui produit une protéine étrangère à l'organisme devient la cible d'une attaque du système immunitaire. Ces substances actives basées sur l'ARNm doivent maintenant être introduites dans tous les domaines de la médecine, conformément à la déclaration d'intention de l'OMS. Efficacité de la vaccination de moins 300%. Le professeur Werner Berkholz, ancien membre de la commission d'experts pour l'évaluation des mesures Covid-19, a fourni des chiffres et des faits sur le manque d'efficacité et la sécurité inexistante. Selon sa devise scientifique « The proof of the pudding is in the eating », le physicien met fin à la fable de l'efficacité. Cela serait déjà connu depuis juillet 2021, date à laquelle Israël a publié ces chiffres. De simples affirmations ne garantissent pas encore le vaccin et ne contribuent pas à sa pérennité, tout au plus à la consolidation de la croyance erronée, ce qui expliquerait pourquoi les médias mainstream ne parlent toujours pas de l'ampleur des chiffres. L'affirmation de Lauterbach selon laquelle seule une personne sur 10 000, soit 0,01% des vaccinés, a des effets secondaires graves qui changent leur vie, se révèle rapidement être une blague au vu des chiffres scientifiquement prouvés et solides des diverses études. Plusieurs études dans lesquelles 100% des participants ont été observés démontrent que les effets secondaires sont de moins 3%. Les données officielles de l'armée américaine le confirment également. Ainsi, parmi les 2,5 millions de jeunes militaires, il y a eu une augmentation d'environ 4% de myocardite et 3% de cancer. Et à la question de savoir si ces substances vaccinales Covid-19 étaient efficaces, il a répondu « Clairement, non. » Soukharik Bagdi vient de le dire et il a aussi dit que c'est encore pire. Non seulement ce n'est pas efficace, mais le système immunitaire est très endommagé. Plus je suis vacciné, plus j'ai de chances d'être infecté, soit par le Covid-19, soit par une autre infection. » et une étude de novembre d'une clinique de Cleveland a montré que si je suis injecté 3 ou 4 fois, mon risque de tomber malade est multiplié par 3. On pourrait aussi dire efficacité de moins 300%. Nouveau tableau clinique dans le contexte du spike. Le professeur Martin Adic, spécialiste en virologie, biologie et épidémiologie infectieuse, se penche sur les questions suivantes. Comment diagnostiquer les lésions dues à la vaccination? Quels paramètres de laboratoire sont appropriés pour le diagnostic? Et comment pouvons-nous faire la distinction entre le syndrome de Covid long et le syndrome post-vac? De nombreux signes de la maladie ne sont pas caractéristiques et peuvent se manifester en dehors de la thématique de la maladie Covid-19. Cela constitue un défi pour le diagnostic. À cela s'ajoute la grande variabilité des lésions causées par l'atteinte ubiquitaire des organes. Il est donc nécessaire de recenser et de clarifier les nouveaux tableaux cliniques. Ainsi, avec Spike, des maladies jamais observées auparavant sont apparues dans le contexte de l'immunisation, comme l'ADE, une réaction immunitaire excessive, le VITT, une formation de caillots due à la vaccination, avec une tendance simultanée aux hémorragies, le V-Sida, une faiblesse immunitaire due à la vaccination, le SADS, la mort subite de l'adulte. Alors qu'entre 2016 et 2020, 9 cas de mort subite et inattendue ont été recensés en Allemagne, ce chiffre est passé à 500 en 2021. Un rapport intermédiaire du 28 février 2021 de Pfizer à la FDA fait état sur 8 pages et demie d'environ 1300 effets secondaires qui, il faut le noter, ont été signalés dans les 3 mois seulement suivant la mise sur le marché du vaccin. Toute expérimentation animale aurait été interrompue à ce stade. Cela montre aujourd'hui l'urgence de déterminer un profil d'étude fiable et adapté à ces nouvelles maladies, notamment afin de pouvoir présenter des faits solides en cas de procédure judiciaire. L'OMS attaque systématique et étendue contre la population civile. Enfin et surtout, Uwe Kranz, ancien président de l'Office de la police criminelle du Land de Thuringe, a pris la parole. Il s'est penché sur l'agenda mondial de l'OMS qui, avec son traité sur les pandémies et son International Health Regulations, en abrégé IHR, plane actuellement comme une épée de Damoclès au-dessus de tous les gouvernements. L'ancien assistant au lancement et chef de projet d'Europol poursuit aujourd'hui son travail d'analyse, sauf qu'il s'intéresse désormais aux crimes organisés dans le secteur de la santé et aux bases de données mondiales. Il montre à quel point les chiffres de la base de données européenne EDRA Vigilance sont absurdes et irréalistes, car seuls environ 3% des dommages et effets secondaires réels des vaccins sont effectivement déclarés. 2 179 125 cas suspects multipliés par 100 seraient nettement plus proches de la réalité des dommages liés au vaccin. Les Pfizer Files, la correspondance révélée entre la FDA et Pfizer, qui devait être cachée au public pendant plus de 75 ans, démontrent également le crime sans précédent contre l'humanité. Seule une plainte de Freedom of Information Act déposée par 200 médecins et scientifiques a conduit à la divulgation de 300 000 documents permettant de prouver la corruption internationale et l'action frauduleuse de Pfizer dans la procédure d'autorisation. Il s'agit donc maintenant de s'opposer aux abus de pouvoir de l'OMS. En effet, si on se penche sur le rôle de l'OMS dans le système international, il devient vite évident que l'International Health Regulations, actuellement en discussion, et le projet du traité sur les pandémies sont une tentative de réanimation. Car l'OMS est une organisation chroniquement sous-financée, lourde et inefficace qui doit être gonflée pour devenir un One World Government et qui met en danger la souveraineté de tous les États. Le traité prévu sur les pandémies et le IHR deviendrait une invitation à l'abus de pouvoir. Cela se manifeste déjà de manière impressionnante et sans équivoque par la suppression de la dignité et des droits de l'homme dans le nouveau traité sur les pandémies ou par l'application de mécanismes et de structures de contrôle ou de droits de sanction si les États membres ne jouent pas le jeu. L'OMS doit à l'avenir pouvoir décider seule si une pandémie se développe ou non. Cela signifie la suppression totale de la souveraineté nationale et du contrôle financier. Même en cas de menace potentielle, l'ensemble des instruments de l'OMS doit s'appliquer. Mesdames et messieurs, Les faits qui viennent d'être cités le montrent de manière impressionnante. Non seulement les vaccins ne sont pas efficaces, mais ils sont surtout nocifs. Ainsi, tous les faits indiquent qu'il doit s'agir d'une arme biologique à laquelle l'armée participe en tant que chef de file. En bref, les vaccins ARNm doivent être qualifiés de crimes pharmaceutiques de ce siècle. Diffusez ces informations et mettez en garde votre entourage contre les effets nocifs des vaccins ARNm. Nous terminons par une citation du professeur Bagdi. C'est devenu tellement clair maintenant. Les responsables sont dos au mur et craignent pour leur propre existence. Pourtant, ces personnes manquent cruellement d'empathie. Ma petite lueur d'espoir, c'est que ces sujets présentés au cours des 5 derniers mois par les médias grand public sont désormais vus des millions de fois. Ce n'est plus une bulle. Cela se propage déjà à l'extérieur et atteint d'autres personnes. Ce que nous devons faire, c'est continuer à informer de manière à ce que chaque idiot comprenne. Car les faits sont clairs comme de l'eau de roche. Si bien que dans les mois à venir, la question sera « As-tu participé ?»